C'était un soir, comme les autres soirs, sous de fatigue, écroulé sur le lit. Pendant ce temps, dans la cuisine, tu avalais trois boîtes entières de somnifères. Combien de temps se passe, je n'en sais rien. Du fond de mon sommeil, je t'entends qui me dit, je crois que j'ai fait une connerie. À grand-peine, j'émerge, toi tu tombes sur le tapis. Je me lève à tâtons dans le brouillard. Je te flanque deux gifles, mais tu ne bouges plus. Allô, le 18, venez vite. Ils sont bientôt je ne sais combien, avec leurs vestes de cuir, leurs brancards, leurs seringues, dans la petite chambre. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas. La salle d'attente, les murs polinés, pas de nouvelles, toujours dans le coma. Qu'est-ce que je t'avais dit ce soir-là? Qu'est-ce qu'on s'était dit de pire que la veille? Voilà l'interne de service avec son manteau bleu marine et son air de se foutre complètement du monde. Merde, merde, merde, merde, si tu sors de là, on changera de métier, de tout, de ville. Il s'approche très lentement de moi, le salaud. Il faut qu'elle vive, que son cœur batte. Ses idées dans sa tête, son sang, ses bras, ses jambes. Il faut qu'elle court vers moi ou vers un autre. Vers moi ou vers un autre. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Je veux pas.